pour fuir cette nuit, simulacre de mort qui nous prend sans répit. Tu danses, tu renies ton sommeil, tu renies ton ennui, et tu te mets à vivre au bruit de mille bruits. Tu danses sur n'importe quel rythme et quel que soit le lieu. Tu vibres et tu palpites en tamisant tes yeux. Tu danses, peut m'en cacher tout l'éclat, tout le feu. S'il se voile, je sais que c'est pour briller mieux. Tu danses, tu danses. Si tu voulais un peu t'asseoir là près de moi, je te démontrerai ces gens tout comme toi qui dansent. Et puis tu me dirais ce qu'il y a de beau dans tous ces corps tordus aux lignes du tempo qui dansent. Et je reste tout seul, moi qui ne veux danser. Je compte mes verres et compte tes cavaliers. Tu danses. Pas un ne gardera un morceau de ta vie, pas un emportera ton corps au creux d'un lit. Tu danses, tu danses. Tu danses pour toi seul, et si je suis jaloux, c'est de toi, ce n'est pas de cela, c'est de nous. Tu danses. Que je n'essaie pas de te faire un instant, te faire croire que tu ressembles à ces gens qui dansent. Qui dansent comme toi pour tuer quelque chose, l'étreinte de la nuit ou le temps, quelque chose. Qui danse, qui danse, qui danse dans leur tête à les rendre malades, et puis qui rebondit dans leurs pieds en cascade. Qui danse, on dirait quelquefois de grands oiseaux blessés qui frappent de leurs ailes l'air pour s'envoler, mais qui dansent. Mais toi non, tu ne ressembles en rien à ces gens, mon amour, tu es belle, toi, si belle quand tu danses.